Dossier 2. Activité 8. Dialogue 1. Allô, Manon ? C'est Laetitia Marin de l'agence Toi et Moi à l'appareil. Bonjour. Bonjour Laetitia. Je vous appelle pour compléter votre fiche. J'ai peut-être quelqu'un pour vous, mais j'ai besoin d'autres informations. Je vous écoute. Est-ce que vous aimez les animaux ? Oui, beaucoup. Et les jeux vidéo ? Ah, je déteste ça. Ok, c'est noté. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Dialogue 2. Allô, Chloé ? C'est Laetitia Marin de l'agence Toi et Moi à l'appareil. Bonjour. Bonjour Laetitia. Je vous appelle pour compléter votre fiche. J'ai peut-être quelqu'un pour vous, mais j'ai besoin d'autres informations. Je vous écoute. Est-ce que vous aimez les animaux ? Oui, j'adore, surtout les chats. Et les jeux vidéo ? Génial, j'aime beaucoup jouer sur Internet. Ok, c'est noté. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.